misère. J'ai des mots sans manière pour réchauffer l'atmosphère. Je te les donne sans aucun doute, je les donne sans que ça me coûte. Toi en retour, sans plus de gêne, tu pourras diviser ta peine. De simples mots que l'on amène peuvent quelquefois briser des chaînes. Des mots en or quand on s'en sert.